Vieilles amours. De frivolité de Jean Brumaire. Lu pour LibriVox.org. Vieilles amours. Sonnet. Longtemps je l'ai maudite en l'appelant frivole. Je voulais l'oublier pour n'y penser jamais. Je comptais sur le temps qui, dit-on, nous console. J'espérais dire un jour, alors que je l'aimais. Je te reniais donc, ô toi qui me charmais lorsque j'avais 20 ans, jolie, aimante et folle, et je te croyais loin de mon cœur désormais, parce que je vieillis et que le temps s'envole. Hier, je t'ai revue et redeviens enfant. Ce cœur qui semblait mort palpite comme avant. Je retourne à 20 ans. Comme à 20 ans, je t'aime. Malgré tout, je le sens, je t'aimerai toujours, car songeant au passé, je suis heureux quand même, et mes vieilles amours sont de jeunes amours. Fin de Vieilles amours, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.